Et voilà, donc bonsoir à tous. Donc débat prévu sur l'euro. Donc vous venez d'écouter la bourse ou de la vie, c'est la monnaie qui dirige le monde. Et pour ça, ben donc on a sur le site internet, donc on a Simon. Eh, hey, salut Gérard. Donc j'espère que ce soir le net il va fonctionner normalement. Bah là on démarre à 2000. Donc 2000 personnes. Faudrait que ça pousse un peu plus. Ouais, donc Karine au standard, toujours. Bonsoir. Accompagnée de Mélinda. Mélinda. Et il va se présenter Babouche. Tout seul. Allez, Babouche. Ouais, Babouche à l'AREA. Donc on va accueillir pour ça Jean Paulel de Bogota. Vous écoutez Fun Radio sur 104.6. Bonsoir. Ça commence. Jean Paulel une fois. Jean Paulel, t'es là? Jean Paulel une fois, Jean Paulel deux fois, Jean Paulel trois fois. Ouais, tu te fous de ma gueule ou tu prends le train? Jean Paulel une. Ah, il est pas là, ça a coupé. Hein. Bon, alors Jean Paulel terminé. Voilà. Alors, donc Jean Paulel, ben tant pis pour lui, hein, il participera pas au débat. Dommage. Alors, Grenald. Ronaldo, bonsoir. Ronaldo de Brie contre Vert. Le bruit contre Roger, bonsoir GG. Ah bon, c'est contre Roger, est-ce que sur 113.3 la fréquence? Tout à fait, 113.3 dans le Morbihan, bonsoir tout le monde. Nadine de Rothschild. De Rothschild, bonsoir Rachel. Tout le monde, bonsoir Gérard, bonsoir les Charleville Mézières, 105.3. Exact, bonsoir l'auditeur. Bonsoir Nadine. Ah. Et après, c'est quoi Franc? Hein? Allô? Oui, c'est François. Donc Lyon 104.2. Exactement, bonsoir Gérard, bonsoir toute l'équipe. Monsieur Mazur. Oui, bonsoir Monsieur Gérard, c'est Monsieur Mazur. Je sais, j'ai reconnu. Alors, quel plaisir de vous entendre à nouveau à l'antenne, Monsieur Gérard. Bonsoir Monsieur Mazur. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur, chers amis, bonsoir. Bonsoir Monsieur Mazur. Ah, ça y est, on a compris. Ça va tout le monde. On a compris. Bonsoir Mazur. Donc bonsoir, la fréquence Bordeaux, 117.8. Absolument. Donc il nous manquera une personne qu'on aura peut-être dans le courant du débat. Donc, alors, débat sur l'euro. Alors, peut-on diviser, multiplier ou soustraire l'euro, monsieur... Ronaldo, écoute, moi, je pense qu'au niveau des additions, des soustractions, c'est-à-dire tout ce qui est opération mathématique, je pense que tout ça a été conservé. Hein. Mm-hmm. Ils se sont débrouillés pour faire un passage à l'euro, en fait, où tu passes du franc à l'euro. Mm-hmm. Et les additions, les soustractions, tout ça, c'est toujours valable. Hein. Mmh. Et il fallait pas tout modifier d'un coup. Attends, t'imagines si on change les divisions en même temps que la monnaie, ça va être le bordel. Non, mais peut-on diviser? Ah oui, ça, bien sûr qu'on peut diviser. Multiplier, diviser. Non, mais attends. Déjà, tu peux pas. Déjà, on divise quand c'était un franc, tu divisais par 6,55. Ah, tu peux multiplier aussi. Ouais, mais ça, c'est pour. Ouais. C'est pour ceux qui sont forts en maths, ouais. Mmh. Ouais. Nadine, pour toi? Oui, eh bien, tout comme le franc, évidemment, il y a déjà des soustractions de fait pour l'euro. Les centimes d'euros sont des divisions d'euros. Mmh. Donc voilà, un centime d'euro, c'est un centième d'euro. Mmh. Et tu peux, et quant au billet, ce sont des multiplications d'euros. D'accord. François? Eh ben, écoute, Gérard, tout à fait. On peut multiplier des euros, les diviser. Bien sûr. On pouvait aussi avec les francs, mais bon, ça ne donnera pas le même résultat. Ah ouais, mais ça, c'est sûr que c'est vrai. Monsieur Mazur, pour finir. Eh bien, écoutez, Monsieur Gérard, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je suis complètement de cet avis. Cependant, avec l'avertissement suivant, n'est-ce pas, n'essayez pas de diviser ou multiplier des euros par des francs. Ça ne marcherait pas. Non, mais ça, maintenant c'est terminé, hein, ah oui, cette absolument. Histoire. C'est pour ça que ça ne marcherait pas. Ça marchait encore avant-hier, n'est-ce pas, samedi. Mais aujourd'hui, ce serait peine perdue, n'est-ce pas? Bah, disons, moi, ce qu'ils ont dit, c'est que c'était prévu dimanche, là, soi-disant la fin complète, et apparemment sur des journaux, ils ont prévu que c'était lundi. Alors donc, est-ce que la date, c'était bien prévu pour le 17 février? Mais tout dépend, Monsieur Gérard, tout dépend, n'est-ce pas, si vous considérez que lundi commence à minuit une, ou bien à 6h. Ben non, en principe, ça commence à minuit, donc c'est pour ça que ça m'a semblé bizarre aussi, leur oui, histoire. Oui, mais Gérard, les banques, elles sont fermées le lundi. Oui, mais pas toutes, hein. Bah, la plupart, hein. Oui, la plupart, oui, je suis d'accord avec... La banque de GG, quoi. Non, mais c'est qui commence à... Les banques du sperme. C'est qui vient de dire ça? Une carte de retrait. C'est qui vient de dire une connerie comme ça? C'est Ricardo. Il n'y a pas de Ricardo. Alors, celui qui a dit ça le dit tout de suite, ou sinon, j'en prends un au hasard des deux que j'ai. On va pas gâcher le débat quand même. Oh, bah vas-y, continuez. Oui, continuez, vas-y, monsieur Gérard. Continuez, vous étiez très bien parlé. Voilà. Bon. Gégé, est-ce que tu dirais, toi, est-ce que tu irais jusqu'à dire que l'euro est divisable, multipliable, additionnable et soustractible? Non. Voilà. Non? Non. Parce que déjà, tu peux diviser un franc en euros, mais tu peux pas faire le contraire. Ah, bah si. Ouais, mais quoi, alors faudrait que tu m'expliques comment. Hein. Bah, si t'as un convertisseur qui marche dans les deux sens, tu peux. Oui, non, mais d'accord, mais les convertisseurs, c'est pas évident parce que moi, on a du mal à, j'ai eu du mal à en avoir. Ah bah, et j'en ai toujours pas. C'est compliqué. J'en ai toujours pas des convertisseurs. C'est compliqué, faut appuyer sur des touches, donc c'est évident. Il y a quand même 10 chiffres différents, il faut voir, hein, ça s'apprend. Non, et puis il faut également penser à changer les piles, hein, ce qui est toute une manœuvre. Donc, apparemment, on a fait le tour de la question. Sur le net, qu'est-ce qu'on a de. On a quelque chose d'intéressant, pas? Pas tout de suite, non. Pour l'instant, ils sont en train de réfléchir aux questions. Ça va venir, j'ai l'impression, là. Bah, j'espère, parce qu'on va pas... Je vais dire ça dans 5 minutes, Gérard. Ok. Pas. Alors, deuxième question. Avez-vous eu du mal avec cette nouvelle monnaie au 1er janvier? Nadine? Pas du tout. Hop, c'est rentré comme dans du petit beurre. Pas de problème. Donc pour toi, t'as pas eu trop de difficultés dès le départ? Non, pas trop mal, non, ça va, il suffit de d'humecter un petit peu, et puis après, hop, une fois que c'est rentré, c'est bon, quoi. Ronaldo? Écoute, moi j'ai eu du mal, parce que le 1er janvier, tu parles du 1er janvier, hein, c'est ça? Ah oui, parce que ça a été fait au 1er janvier. Voilà, attends, 5 minutes avant de me répondre. Ah. Là, les deux standardistes, là, on a peut-être... Au lieu d'écouter, il faudrait peut-être me retrouver une autre personne quand même. C'est vrai qu'il est mort. Eh bien, il y a Jean Podel qui est revenu. C'était terminé pour lui. Hein. Il avait qu'à écouter ce qu'on lui avait dit. Mais hein. Non, c'est pas ça, c'est que ça a coupé, je pense que c'est de ma faute. Ah ouais, mais. C'est de ma faute, on ne va pas lui faire payer à lui. Bah non. Alors, Jean Podel. Jean Podel une fois, Jean Podel deux fois, Jean Podel trois fois ce coup-là. Allez hop. Non, c'est terminé. Voilà, non. 35 en même temps. Non. 4 par 4. Gérard, tu n'as pas commencé. C'est un problème technique, c'est impossible de changer. Alors pourquoi qu'on met 5 noms si on peut en prendre que 4? Mais parce qu'il est revenu. Parce que c'est l'euro. De toute manière, c'est terminé. Donc pour lui, c'est fini complètement. Et c'est pour quand même prévoir d'autres personnes si j'en vire. Alors, qui c'est qui vient de répondre? Ronaldo, ouais, tu voulais répondre. Ouais, tu demandais spécifiquement le jour du 1er janvier, c'est ça? Ça a été fait à partir de minuit. Donc, Moi, en fait, le 1er janvier, j'étais dans un état lamentable. En fait, j'étais déchiré, quoi. Donc, j'ai galéré, j'ai eu du mal, mais grave, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que tout le monde s'est... On a fait la teuf, ils auraient mieux fait de faire ça un autre jour. Attends, Ronaldo. François. Oui. C'est tout con, c'était férié, en plus il n'y avait pas de banque. Attention. Attention, moi j'étais torché au champenier à la fin. François, c'est François là? Oui, c'est François. Bon. Donc j'étais un peu torché, donc je suis quand même allé faire le malin au distributeur. J'ai cru que j'allais retirer des francs, mais non, pas du tout. J'ai retiré 500 euros, ce qui fait que je suis à découvert de 450 euros à l'heure d'aujourd'hui. Donc, monsieur Mazur. Eh bien, écoutez-moi, le 1er janvier, n'est-ce pas, comme le disait un de vos auditeurs, était vraiment très très mal choisi comme date, puisque suite à une fiesta assez dépareillée, n'est-ce pas, j'ai eu besoin, bien entendu, pour ce que vous imaginez, d'avoir recours à une péripatéticienne. Et je puis vous dire que, n'est-ce pas, la conversion euro, bien que ce soit fait en liquide, tout ceci, eh bien, la conversion euro n'a pas été les plus simples. Combien maintenant les putes en euros? Pardon? C'est combien les putes en euros? Écoutez, monsieur Gérard, pourriez-vous peut-être répondre à cette question? La carte des tarifs, GG, t'as la carte? Non. Par contre, moi, ce que je peux dire, c'est vrai que ça a été très mal choisi, ce système-là, déjà, pour commencer. Donc, comme tout le monde faisait la fête à minuit pour souhaiter la bonne année, faut dire que les distributeurs ont été pris d'assaut. Et ça, ça a été dit et ça a été répété. Ça a été répété pendant presque toute la journée du 1er janvier. Et c'est vrai que là, pareil, que ça a été la décatombe dans les distributeurs au bout de Gérard. Attends, monsieur Mazur. Je crois qu'il y a Babouche qui veut parler. Ouais, tu crois que c'est fait exprès qu'ils aient choisi le 1er janvier? Justement, on va en venir sur la troisième. Parce que moi, personnellement. Avez-vous pris d'assaut un distributeur également? Non, parce que je dormais alors. Tu dormais pourquoi? Parce que j'étais occupé à dormir, voilà. Acculé, j'ai même pas été au distributeur. Non, même pas. Il n'y a pas de carte. Même pas au bar du coin. Non. Il n'y a pas de carte. Bah si, j'ai une carte, et puis de toute manière... On n'a pas de carte téléphone, attends. Non, mais j'ai une carte pour retirer, mais de toute manière, je savais très bien que... En y allant à minuit, les distributeurs allaient être pris d'assaut. Une question sur le net, parce que depuis le temps que... Ouais, justement, que Gérard, c'est Evil Ghost qui nous demande qu'est-ce qu'est la première chose que tu as acheté avec tes euros, en fait. Eh ben, des cigarettes. Oh, bah, c'est malin, ça. GG. Moi, il y a un truc que je comprends pas. On met l'euro le 1er janvier, alors que tu es d'accord avec moi, le 1er janvier, comme l'a dit la jeune fille tout à l'heure, c'est férié, donc les magasins, ils sont fermés. T'as pas besoin d'argent pour acheter des trucs, puisque tout est fermé. Oui, non, mais d'accord, je suis d'accord avec toi, mais il y avait, pour payer les boulangeries, tu pouvais encore payer en francs, mais il faut dire une chose, que le distributeur, à minuit pile, avait déjà retiré la moitié des francs et avait mis des euros dedans. Ouais, mais les magasins sont fermés, ça sert à quoi? Oui, non, mais je te parle des boulangeries et tout ça qui sont restées ouvertes. C'est sûr qu'elles étaient ouvertes. Oui, mais excusez-moi de vous interrompre, monsieur Gérard, mais je ne pense pas, enfin, ce que vous dites est très juste, mais je ne pense pas qu'il y ait des distributeurs dans les boulangeries. Non, mais à côté des boulangeries, tout ça, bon, mais de toute manière, il faut se dire une chose. On va couper la question. Hein. Maintenant, il faut bien se dire une chose, qu'à partir du 1er janvier, comme ça a été fait, les distributeurs ont été pris d'assaut. Donc, automatiquement, ils n'ont pas pu ravitailler, parce qu'il y a des banques, c'est vrai qu'ils n'étaient pas ouvertes à minuit, le lundi. Hein, donc, c'est pour ça. Gérard, quand tu dis que ça a été pris d'assaut, qu'il y a eu des ravitaillements, tout ça, tu parles de quoi, en fait? Il y a eu des lancers de grenades? Non, mais attends. Si t'as bien écouté la question qu'on est en train de poser depuis tout à l'heure, alors c'est qui, c'est Ronaldo? Non, François. Bon alors François, je te préviens, t'as déjà répondu correctement, donc tu vas pas me prendre pour un con, sinon je vais te dire au revoir. Alors tu choisis. Je choisis de ne pas vous prendre pour un con. Bon. Eh bien. Alors dans ces cas-là, ça suffit. Sur le net. Gérard, une autre question sur le net, c'est Epsilon qui me demande pourquoi est-ce qu'on a fait tomber le nouvel an au 1er janvier alors que l'euro tombait aussi sur là. Le 1er janvier, ça a toujours été un 1er janvier. L'euro a été choisi comme ça le jour du 1er janvier 2002. On ne sait pas pourquoi. C'est mal fichu. Mais ça, on va y arriver à cette question, parce que c'est vrai que, de manière... Il y a 365 jours, et les mecs, il faut qu'ils choisissent celui-là. Mais alors, était si facile de faire tomber cela un hein, 15 août, par exemple. Non, mais maintenant... Le 25 décembre. Maintenant, je vais poser la question. Il est 1h12, oui. Ouais. Donc, on va faire une pause. Déjà? Alors oui, on va faire quand même une petite pause. Hein, ouais, il y en a 11 quand même, et on va jusqu'à 2h, on va faire une petite pause. Pose l'autre question et puis on fera une pause après. Voilà. Alors, pose encore une autre question. Pensez-vous que le gouvernement... Alors attendez, je reprends. Ouais. Pensez-vous que le gouvernement aurait mieux fait d'attendre avant de changer la monnaie? Donc, François, tiens. Écoute, ça dépend, on va attendre jusqu'à quand? Déjà. Non mais c'est pour ça, donc on revient sur la question. La question avec l'histoire du 1er janvier, pourquoi que ça a été choisi cette date? Donc moi je vous pose la question, pensez-vous que c'est le gouvernement qui aurait mieux fait d'attendre avant de changer la monnaie? Pourquoi qu'il l'a fait un 1er janvier au mois de janvier, en début d'année? Ils sont bien foutus tes débats maintenant. Ouais. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Je voulais savoir un truc. Qui c'est qui écrit tes questions, puis Claude Poufias de Sandy, elle est pas là? Nadine Arbar, Charles-Louis Mézières. Allez hop. Gérard, on fait une pause, Gérard, je vais juste te dire qu'on est 3000 là sur le net, ça monte. Ah bah c'est bien. Ça continue à monter. C'est bien, c'est bien. Donc alors... Je vais rappeler l'adresse, c'est fanradio.fr/loul@. Non, c'était pas ça qu'on avait. Bah, c'était pas ce qui s'est annoncé. Mais si, ce soir, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas grave, on va garder ça, mais on modifiera. Ça marche, Gérard. Donc, François, comme on a viré Nadine. Moi, je vous ai répondu, hein, ça dépend quelle date. Moi, je pense que le 2 janvier, ça aurait été nettement plus simple. Ouais, mais le 2 janvier, ça tombait quand? Ça tombait un. Ça tombait après le 1er janvier, en fait. Ouais, mais. Gérard. Oui. On accueille Louis Fernandel, qui habite de. Bonsoir, Louis. Paris. Salut, c'est Louis Fernandel. Bonsoir, Louis. Oui, bonsoir, monsieur Fernandel. Bonsoir, j'appelle de Bogota, 104.6. Bonsoir, 3-0 quand même, Louis. C'est pas grave. Arrêtez de parler de ça, s'il vous plaît. On se calme ou sinon vous gerbez tous. Paris est magique. Allez, au revoir. Tant pis pour toi. Tu sais, de toute manière, il n'y a pas eu le temps de dire bonjour que j'y ai déjà envoyé se balader. Alors, Ronaldo pour toi. Écoute, moi je pense que bon, il faut quand même rester conscient qu'il y a une échéance électorale, GG. Mm-hmm. Je pense que tu peux pas oublier ça, donc en fait. Ouais, mais c'est pas maintenant. Bah oui, mais il fallait qu'il fasse ça avant. Ouais. Mais c'est un peu con quand même. Bah, s'ils avaient été malins, ils auraient laissé tous les autres pays passer d'abord. Ils auraient mm-hmm. attendu un petit peu de voir comment ça se passe. Et puis ils auraient fait ça, je sais pas, 15 jours ou 3 semaines après, tu vois. Mm-hmm. Histoire que les pièces commencent à circuler, tu vois, histoire que ce soit un peu plus facile, quoi. Bah ouais, parce que faut. Monsieur Mazur, après je vais. Oui, alors écoutez, monsieur Gérard, moi j'ai une théorie, assez poussée concernant votre question. Vous me suivez, j'espère. Mm-hmm. Hein Gérard. Vous me suivez bien. Pardon, on a accueilli Mouna Ayoub de Perpignan. Bonsoir. Bonsoir Mouna. Bonsoir Madame Ayoub. Qui fait milliardaire. Bonsoir Gérard, tu aimes les yachts? Oui. T'appelles d'où? De Perpignan. Très. Eh, vous allez me donner les fréquences quand je vous le demande. 84.7. 84.7. C'est la chatte de Bourg. Ok. François, tu te calmes ou sinon je te dis au revoir. Et donc, Monsieur Gérard, j'en étais à ma théorie. Mmh. Voyez-vous, je pense que le gouvernement aurait peut-être mieux fait d'attendre quelque temps afin d'installer l'euro, n'est-ce pas? Je pense que il aurait été plus sage et plus judicieux, ne serait-ce que pour vos amis, les personnes âgées, à qui vous rendez hommage régulièrement, d'attendre un 29 février, car comme vous le savez, le 29 février est une année bissextile, ça n'arrive donc que tous les... Voilà. Ah, oui, quand même, 8 ans. Exactement, tous les 8 ans. Exactement, tout à fait, tous les 8 ans. Et ne serait-ce que pour, si vous voulez, permettre à ces vieilles personnes de pouvoir tranquillement, n'est-ce pas, découvrir cette nouvelle monnaie. Qu'en pensez-vous? Non, mais de toute manière, c'est vrai que ça a été mal choisi. Puis en plus, comme M. Mazur le disait. Mais attendez, M. Mazur, on va demander à Mouna. Oui. De répondre quand même à la question. Auriez-vous l'amabilité de me répéter la question, s'il vous plaît? Alors, au standard, s'il fallait leur poser la question, parce que c'est quand même eux qui doivent le dire. Alors, au standard, je vous ai déjà prévenu la semaine dernière qu'il fallait... Au standard, je parle, je voudrais bien qu'on me réponde comment que ça se fait qu'elle n'a pas eu la question. Comment que ça se fait? Hein? Comment que ça se fait que la question n'y a pas été posée? Pensez-vous que le gouvernement... Oh, qu'est-ce que t'as écrit? Bon, alors je vais le dire parce que t'es pas capable de lire. Pensez-vous que le gouvernement aurait mieux fait d'attendre avant de changer la monnaie? Mais nous avons répondu à cette question. Non, mais c'est pour Mouna. C'est pour moi. Pour la chérie, là. Oh, pardon. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'euro, en fait, était la monnaie européenne et donc toute l'Europe passait en euros à cette date-là. Et ils ont choisi le 1er janvier parce que c'était une date qui était commune à toute l'Europe. Non, mais ce qu'il faut se dire aussi, parce que comme Monsieur Mazur en a fait illusion... Ouais. J'ai pas pu écouter une démonstration de Monsieur Mazur. Mais ce qui se passe, c'est que c'est vrai que les personnes... En fin de compte, qui c'est qu'on souffre le plus à l'heure actuelle? C'est les personnes âgées. Mais oui, absolument. Parce que les personnes âgées, j'entendais dire dans les informations et régulièrement partout... Hein, les personnes âgées, pour éviter de se tromper, faisaient confiance à certaines caissières. Et j'ai entendu ça. Il n'y a pas eu si longtemps. Écoutez, du côté de Saint-Étienne. Un reportage, n'est-ce pas, télévisuel. J'en ai vu un également qui était tout à fait édifiant et sur lequel je me révolte avec la plus ferme vigueur, n'est-ce pas. Il s'agissait d'un groupe de personnes âgées qui étaient filmées, n'est-ce pas, dans leur hospice. Et alors, ils étaient face à un distributeur de machines à café et de boissons automatiques et il n'arrivait absolument pas à reconnaître les pièces en euros des francs pour se payer un petit café avec une paille ou ne serait-ce qu'une vulgaire bouillie. C'est un pur scandale. Tout à fait. Ce qui s'est produit aussi, c'est que les distributeurs, tout ça, de boissons ont pas été mis tout de suite en euros. Ils ont attendu un peu. GG. Oui, c'est qui? Précisez vos noms. C'est Ronaldo. Tout à l'heure, tu parlais des caissières. Moi, j'ai vu des gars, ils piquaient des sous dans les porte-monnaies. Hein. Non, attends. Ronaldo, tu t'écrases. Bah, attends, c'est vrai, il y a des caissières, elles servent. Hein. Là-bas, au standard. Ça va, là, les deux cochons, là? Le micro allumé. Vous voulez discuter, là? Oh là là. Alors, c'est bien. C'est bien, alors les deux nanas, allez-y. Hop, je fais ma popote en direct. Bon, Gérard. Dans le débat, je fais ma popote. Non, mais ça va, oui. Eh, on n'est pas chez Maxime, hein. Ouais, que tu te la fous dans le cul, ta popote. Gérard. Bon, alors, Ronaldo, au revoir. Gérard, pourquoi l'euro? Pourquoi le mot l'euro? Bah, c'est comme pourquoi ça. Pourquoi le mot? Ben, c'est ça, hein. J'ai pas pu trouver le pourquoi de la... Alors, Gérard, c'est François. Moi, je voulais préciser par rapport aux personnes âgées que je trouve que c'est très bien pour les jeunes, parce que moi, je les carotte bien, les petits yeux. Alors, François, voilà. Au revoir. Mais non, mais c'est vrai. Au revoir. Au revoir. Gérard, pas trop vite. Ah bah ouais, ben... Bah, écoutez, c'est tout à fait On va voir sur le net combien qu'on est. Oh là, ça continue à monter tranquillement. Oui, 3500 là pour l'instant. Ouais, moi aussi. Combien? On est là, tranquille. Doucement. Grenaldo et François, on leur a dit au revoir. Jean-Luc de Malatoupe est là. Ouais, non mais... J'ai dit que Grenaldo... Ça y est, ils sont partis. Non, on est là. Non, il est encore là, Grenaldo. Là, tranquille, pépère, sur le banc. Ronaldo était sur la 2. Ronaldo était sur la 2, on y a dit au revoir. Oui, m'entendez-vous, monsieur Gérard? Oui. Et donc, on a Jean-Luc. Oui, bonsoir, c'est Jean-Luc de Malatouf, dans le 92. Donc, 101.9. Voilà. Alors, la question, oui. C'est terminé. On y a, bon, allez, je te la repose. On fait une pause, et on reprend derrière sur le site internet pour savoir s'il y a des questions intéressantes. Alors, pensez-vous que le gouvernement aurait mieux fait d'attendre avant de changer la monnaie? Et on va s'écouter. Moi, je pense que non. Hey, je pense qu'il a bien fait. J'ai dit, on a mieux un disque et okay. On s'écrase pour l'instant. Et on va s'écouter Kayas Lover. L'oseille, c'est mon blé. Et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000. Et voilà, donc, comme vous avez pu le constater, je suis venu rejoindre Max. Donc, c'est les débats de Gérard. Donc, le jingle, vous l'aurez par la suite. Donc, on venait d'écouter Kayas Lover, l'oseille, c'est mon blé. Et pour ça, on va continuer le thème sur l'euro. Donc, avant de continuer de reprendre les auditeurs, on va quand même savoir sur l'Internet à combien qu'on est. Un petit point Internet. Alors là, on est à 3005. Ça se réveille pas trop, là. Hein. Faut encore... Alors, attends, j'ai quelques questions. Sonacotra qui demande « L'argent n'a pas d'odeur, mais parfois l'euro a une odeur. » Non? Non. T'es d'accord ou pas? Non. Ah si, l'euro... Ah si, fois, si, dépend... si, bien sûr. Ouais, mais ça dépend. Voilà. Donc après... Sinon, c'est toujours le même. En fait, il demande « Picsou peut-il continuer à nager dans ses pièces après le passage à l'euro ?» Ah oui, très bonne question, ça. Ouais. Bah ça, faudra à, avis, à mon avis, non, je pense pas. Ah ouais? À moins que ça soit des euros. Bah ouais. Voilà. Ça fait plus. Voilà. Pourquoi pas? Et attends, j'ai une dernière question. C'est Trululu qui demande si le fait que l'euro tombe l'année de la Coupe du Monde, c'est une coïncidence, à ton avis, ou si c'est pas plutôt la preuve flagrante que le monde du football est pourri par l'argent. Bah ouais, mais ça, c'est pas nous qui l'avons décidé, hein. Pas nous qui avons décidé que ça soit ça, c'est le gouvernement, et c'est pour ça que on n'arrive pas à comprendre comment que ça se fait que ça s'est tombé à cette période-là. D'accord. Donc, alors, pour ça, on récupère Jean-Luc. On a Jean-Luc. Oui, bonsoir, c'est Jean-Luc de Malatouf. De 101.9. Après, on a Mouna, 84.7. Mouna Ayoub, oui, rebonsoir. Monsieur Mazur, toujours, 117.8. Monsieur Mazur. Ah oui, il y a des problèmes techniques. Hein. Je crois, avoir entendu raccrocher hors antenne. Ouais. Il est parti, monsieur Mazur. Il y avoir une coupure de secteur ou quelque chose comme ça. Oui, il y en a un nouveau sur la 7 maintenant. Ah bon, alors... Je te l'ai noté. Hein. Ouais, mais c'est dommage parce que monsieur Mazur, il était bien pour le débat. Michel Panini, 117.7. Bonsoir, Michel Panini de 6-8-sur-Seine. Bonsoir tout le monde. Et Lilian. Lilian Tupagay. Oui, j'appelle le Kaboul 100.0. Ouais, c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule. Ah, mais non, pas du tout. Non, c'est pas le genre de la maison. Bon, par contre, je vais mettre un peu les choses au point. Ouais. Par contre, standard, pourrait peut-être vous réveiller un peu plus et puis pas jacter comme on a entendu jacter tout à l'heure. Donc, vous prenez des gens au standard pour quand j'en vire et vous décrochez le téléphone parce que sinon, ça va pas aller comme ça. Hein. Tu vas en virer quand? Bah pas maintenant, mais moi je vous mets quand même déjà au diapason. Non, mais tu peux dire à peu près quand est-ce que tu vires. Non, mais de toute manière, vous le saurez bien au moment voulu. Ah, alors pour ça, Celui qui s'amuse avec un portable est prié d'arrêter. Allô. C'est un truc de fou, il a couché. Qui c'est qui a un portable? Allô. Ah, c'est pas moi. Qui a un portable? Qui a un portable qui sonne? Allô. Au standard. Allô. C'est où? Non, c'est pas ici. Allô. Je te cousine. Allô. C'est qui qui a un portable? Allô. Bon, allez, Lilian, au revoir. Mais non, c'est pas moi. Bon, ça va, allez, hop. C'est pas moi, c'est pas moi. Terminé. Oh, bah, je sais pas, moi, allez, hop, je cherche plus. Avec un nom d'une telle classe, je me fais virer, sérieux. C'est abusé, quoi. C'est longtemps. Alors, la question, pensez-vous que le gouvernement... Oui, allô, monsieur Gérard. Ah, monsieur Mazur. Monsieur Gérard. Oui, monsieur Mazur. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Parfait, moi aussi, monsieur Gérard. Je suis ravi d'être de retour. Bonsoir, bah, monsieur on ne sait pas ce qui s'était passé. Bonsoir, monsieur Mazur. Oui, bonsoir. Bah, ça y est. Bonsoir, Jean-Luc et puis Michel Panini, là. Hein. On se calme. Oui, bonsoir. D'accord? Ouais. Bon. Okay. Alors, qu'est-ce que... Bah, alors. Jean-Luc. Allez, Jean-Luc, au revoir. Non, c'est pas Jean-Luc, c'est Marcel. Allez, Jean-Luc, au revoir, terminé. C'est pas Jean-Luc, je viens d'arriver. Non, allez, hop, au revoir. Au revoir. Je viens d'arriver, c'est pas moi. Au revoir. Attends, Gérard. Foule-toi dans le cul. Michel Panini, pareil. Michel Panini aussi. Comme ça, ça vous apprendra d'être poli sur l'antenne. Eh ben, donc, on va continuer avec Mounia. Mouna. Mouna, et puis, monsieur Mazur, hein. Oui, bonsoir, mademoiselle Mouna. Bonsoir, monsieur Mazur. Donc, alors, comme on parlait de ce fameux truc-là, c'est vrai que pour les personnes âgées, ça n'a pas été évident. Hein. Ah, c'est sûr. Parce que je vois, à l'heure actuelle, il y en a encore qui ont du mal à s'y faire. Surtout qu'ils comptent en anciens francs, donc après, il faudrait leur apprendre à compter en anciens euros, mais ça va être difficile. Ouais, mais non, mais là, je pense qu'ils vont pas s'amuser à... Ils vont pas s'amuser du jour au lendemain encore à nous rechanger les systèmes. Monsieur Gérard, bien entendu, mais en fait, il faudrait tout de même demander à ces personnes qui sont âgées, n'est-ce pas, de s'y mettre le plus rapidement possible, car serait-ce que dans le plus regard des supermarchés, les queues s'allongent. Mmh. Non, mais ce qu'il y a, il n'y a pas que les personnes âgées. Et il n'y a pas que les queues, bien sûr. Non, monsieur Mazur, on reste poli quand même. Ah, mais absolument, monsieur Gérard, regardez aux caisses, les queues s'allongent. Oui, mais il faut se dire aussi qu'il n'y a pas que les personnes âgées qui ont des problèmes aussi à s'y faire à l'euro. Il y a aussi les non-voyants. Ah oui, absolument. Comment ils font pour... Absolument, et qui plus est un non-voyant âgé, n'est-ce pas? Alors là, c'est dramatique. Parce qu'il paraît qu'ils ont un nouveau système, d'après ce qui a été dit, je ne sais plus sur où, il paraît qu'ils ont trouvé un système pour eux. Ils ont des pièces parlantes, oui. Ouais, non, mais ils ont oui. On accueille... C'est Alain Prout. Bonsoir. Alain Prout sur la une, non? Monsieur Prout. Maradoba. Bonsoir, c'est Maradoba. Voilà. Oui, bonsoir, monsieur Maradoba. Maradoba. Bonsoir, Gérard. Bonsoir l'équipe. Alors, les fréquences pour Alain? Alors, Alain, c'est 101.9, c'est Ivry. Et Maradana? Alors, Maradoba, c'est la Garenne Pigeon, c'est 115.5. La quoi? La Garenne Pigeon. Tu te voudrais... Ouais, c'est 101.9, d'accord, c'est ah pas... Non, pas du tout, hein, ça n'a rien à voir, GG. C'est la Garenne Pigeon, c'est dans le sud-est. Ah, ouais, alors donc... C'est dans le bas pays, Ardéchois, je connais. C'est le beau pays. Donc, okay. Alors, la fréquence, 115.5. 115.5 en Provence, bonsoir. Ah oui, je connais, c'est à côté de Mouilly-Trou, je crois. Exact. C'est ça. Non, mais ça y est, c'est bon. Mais c'est vrai, Oh, du calme un peu, là, derrière. Alors là, site internet, non? Des questions intéressantes. C'est un peu calme hein, quand même. Moi, je trouve. Ils disent que tu t'énerves pas assez ce soir, Gérard. Non, mais ça, c'est. Tu mets pas assez les choses au point avec l'équipe là. Il faut. Ouais, non, mais c'est le début. Tu mets plus les choses au point. Ouais, non, mais ça, au standard déjà. Faites bien votre boulot. Vous occupez pas de ce fait, d'accord? Occupez-vous déjà de votre standard, de répondre. Oh là là. T'as vu, ils en profitent pour faire n'importe quoi. Ouais, ouais, non, mais ça, je préviens d'une chose. Les portables, ça commence à bien faire lors des débats. Ouais, c'est chiant, mais... Alors, ouais, pour Alain et Maradana... Oui. Maradoba, ouais. Maradoba, la question, pensez-vous que le gouvernement aurait mieux fait d'attendre avant de changer la monnaie? C'est la dernière fois que je répète la question. Et quand vous passez à l'antenne, vous demandez... La question, parce que c'est pas à moi de les répéter constamment. Oui. J'avais déjà prévenu l'autre fois qu'on a fait un mini-débat sur la Saint-Valentin. Ah oui, bravo, monsieur Gérard. Alors, on va répondre... Alors, c'est vrai que, d'abord, je tenais à te féliciter pour ta question, mais c'est vrai que le gouvernement a fait ça, en fait, selon les accords de Maastricht. Mmh. Et donc, c'était... Non, mais qu'est-ce que ça, quel est le rapport avec, avec l'euro ? Si tu veux, les accords de Maastricht, c'est tout ce qui régit les conventions européennes pour mais savoir... Mais quel est le rapport avec le système de l'euro ? C'est là qu'ils édictent les règles pour l'Europe et pour les monnaies européennes. Oh là là. C'est à Maastricht qu'ils ont dit que l'euro ce sera le 1er janvier 2002. Mmh. C'est ce qu'ils ont fait. Ouais, mais pour... Alors, la question, on va demander à Mara Doba d'accord. De répondre. Ouais, moi, si j'avais été eux, je l'aurais fait encore plus tôt, en fait. Pourquoi ? Parce que en fait, il y avait une date symbolique au niveau du millénium en 2000. Mmh. Et je pense que ça aurait pu être bien, au moment où on changeait de millénium, de changer de monnaie, tu vois, ça aurait fait bah ouais, voilà. Bah ouais, mais c'est ça, c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec leur système là de 1er janvier. Ou parce qu'ils font ça en même temps que l'éclipse. Ouais, mais non, mais d'accord. Ah oui, non, mais ils font ça. C'était très bien, oui, en ouais. même temps que l'éclipse. Ouais, oui. non, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils font ça. Monsieur Gérard, saisissez-vous la métaphore, c'est absolument magnifique, n'est-ce pas? Une éclipse qui éclipse, n'est-ce pas? Ouais, mais monsieur Mazur, on n'est pas sur l'éclipse, on est sur le non, débat non, sur l'euro. Pas, non, absolument pas. Mais en tout cas, saisissez-vous la métaphore. Mmh. Mais par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils choisissent 2002, donc ils savent très bien qu'à l'heure actuelle, on a quand même la Coupe mais du Monde. Vous ne m'avez pas répondu pour la métaphore. Là, non, mais ça, c'est pas grave. Là-dessus, c'est pas un débat sur la métaphore. Poésie, ouais. Sur ça. C'est un débat sur l'euro. Donc, tu disais avec la Coupe du Monde et les JO, c'est vrai que l'année elle était déjà assez chargée, quoi. Bah ouais, elle était déjà bien chargée parce que là les JO ont commencé, là bientôt ça va être la Coupe du Monde. Ouais, d'accord, il y a les derniers attentats, donc il y a eu déjà un truc important, donc ils ont eu raison d'attendre. Ah, c'est vrai. Ouais, mais d'accord, mais ils auraient pu quand même soit moi j'aurais préféré qu'ils attendent que les présidentielles soient faites. Pourquoi ça aurait changé? Pour quelle raison, ouais. Bah, de toute manière, ça aurait changé, on aurait été plus trop, ça aurait été peut-être un peu mieux. Ah, bah oui, c'est sûr, on aurait mieux. Parce que là, il y a quand même les JO qui viennent de partir, il y a la Coupe du Monde, il y a les présidentielles, il va y avoir. Il va falloir qu'ils changent la tête du président. Mais quoi qu'il en soit, Gérard, qui fait qu'Irak? C'est le contribuable. Gérard, on s'écarte du sujet, là. Faut revenir sur le débat. Non, mais c'est pour bien préciser que ça a été mal choisi, c'est tout. Voilà la question. Alors, peut-on payer encore en francs dans les autres pays? On va demander à Alain Prout. Le franc dans les autres pays, non, parce que justement, le franc a disparu en France. Mmh. Donc, maintenant, c'est l'euro pour tout le monde. Hein. Mmh. C'est pour. Ouais, mais. Ouais, d'accord, mais ça se trouve que tout le monde ne s'est pas encore habitué dans tous les pays. Ah oui, oh là là, c'est un sacré cochon, quoi. Ça, j'aime bien. Ouais. Ben, ça y est, la réanimation, là. On a gagné, Oh, on se croit où, là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le du combat. Mais ça, tu t'écrases là-bas. Je pose une question. Hey. Électrochoc là quand même, l'arrière. Ça cartonne, Gérard. Dès que tu commences à t'énerver, ça monte. C'est moi qui commande encore. Avengers de Niol pour GG. Là, c'est moi qui commande. On s'écarte du débat là. Pour l'instant, c'est moi qui commande. Et puis Léo, j'ai un nom, d'accord? Ok. D'accord, au standard? Merci. Je t'aidais à dire oh aux auditeurs. Ouais, non, mais je suis assez grand de le faire moi-même, d'accord? Déjà, c'est déjà l'autre abruti là qui commence. Toi, si tu commences, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que toi, si tu commences à faire des conneries comme ça à l'arrière, attends, mais j'ai rien fait là. Y rester. J'ai rien fait. Le portable. Attends, c'est quoi cette équipe là? GG, c'est quelque chose, merde. Non, mais je crois que ça va pas être comme ça. Ça va pas durer. On va pas durer jusqu'à 2h du matin. Hein. Maîtriser le débat, monsieur Gérard. Allez, on y va. La question, peut-on payer? Encore en prend dans des autres pays? Non. Alors pour Alain Prout, Pour Alain Prout, non. Non. Non. Et tu peux expliquer? Ouais, je peux développer, ouais, parce que le franc c'était pour la France. Mmh. Et ils ont ça a été éradiqué en fait. Il n'y a plus de franc, maintenant c'est l'euro. Mmh. Donc à la rigueur, il aurait fallu dévaluer le franc et mettre le copec kurde, quoi. À la rigueur, on aurait acheté beaucoup plus de choses. Mais là le franc c'est fini, hein. Faut dire au revoir au franc. Portable. Hein, qui a un portable qui va sonner? Et là, ça commence à bien faire. Non, le là, standard. C'est casse-couille, les portables. L'équipe, là. Oh, au standard. Putain, vous essayez de me choper. Qui a le portable et vous lui dites au revoir? Moi, sinon, ça va aller vite. Oh. Gérard, pendant ce temps-là, ouais, sur le net, une question d'Epsilon. Quand est-ce que les USA vont passer à l'euro? Bah, pareil, qu'ils y sont, comme ah, oui, tous les pays ont songé maintenant. Ça y est? Bah, ils ont passé en même temps? Bah, je pense. Hein. On m'a dit que non. Hein. Ah, bah, ça, qui t'a dit non? C'est un ami qui m'a dit non. Ouais, bah, lui, est-ce qu'il va là-bas à New York? Ah bah oui, il habite là-bas. Ah bah alors il t'a dit que non. Bah oui, il m'a dit que non. Ah bon bah. Pour l'instant c'est le dollar, je crois. Ouais bah c'est, ça a toujours été ça. Donc s'ils ont pas encore changé de monnaie, bah tant pis. Hein. C'est pour quand alors? Bah on sait pas. Ah Gérard, tu sais. Ça va dépendre du président. Hein. C'est eux qui décident là-bas. C'est pas chez nous. Alors qui? C'est Bill Gates. Personne n'a un portable. Eh mais quand je pose la question, c'est pas la peine de laisser les micros allumés sans s'éteindre. Ça fait déjà deux fois que je vous le dis au standard, ça commence à bien faire. Merci. Bon, et Gérard, on y va. Mouna. Il y a un bordel, oui. Quelque chose de mignon. Je pense que toute l'Europe est passée à l'euro. Bah oui. Au 1er janvier 2002. Donc on a mis à clé évidemment les États-Unis, le Brésil, l'Afghanistan pour des raisons économiques. Les pays du tiers-monde, ainsi que les dom-toms. D'accord. Monsieur Maradoba. Bah écoute, moi pour les dom-toms, j'émettrais quand même une espèce de réserve. Hein, pour le Canada peut-être. Parce que là, voilà, en Guadeloupe, tout ça, à mon avis, ils utilisent encore le franc. Hein. Mmh. Ouais, mais je pense que ça a été retiré pour tout le monde. Hein. Non, parce qu'en fait, si tu veux, le gouvernement français savait qu'il faudrait écouler les francs parce qu'ils ont récupéré quand même pas mal de francs au moment du passage à l'euro. Mmh. Et donc en fait, on a gardé des espèces de zones tampons. T'arrives à saisir l'essence de ce mot, où en fait on peut encore écouler ses francs, et donc bah il y a les dom-toms, donc la Guadeloupe, la Martinique, le Canada, il y a encore des endroits comme ça où tu peux utiliser tes francs, et il y a aussi la conversion franc français, franc belge, quoi, quand même. Non mais je pense que, je sais pas, parce qu'il y a eu des auditeurs belges, mais c'est dommage que... Un franc belge, franc suisse, hein, ça marche encore. Hein. Ah oui, ça marche. Hein. Le traité stipulé. Non, mais c'est bon, ça y est, monsieur Mazur, pour terminer la question. Oui, n'est-ce pas, moi je voulais effectivement soulever la question du franc suisse et du franc belge, mais je trouve que cela a été fait avec la plus grande rigueur, et j'en félicite absolument ce brillant analyste, n'est-ce pas ? Je vous remercie, monsieur Mazur. Ah, question internet ? Non. Non, pas de question ? Non. Bon. Rien d'intéressant. Alors donc, pourra-t-on encore échanger des francs dans les banques ou autres services ? Donc, on va demander à Alain. Le franc dans les... c'est quoi la question ? Dans les stations de service. Dans les autres Peut-on services. Peut-on encore échanger des francs dans les banques ou autres services ? Bah, ça dépend des banques. Je crois qu'il y a encore des banques qui font ça, genre le Crédit Agricole, la Société Géniale. Non mais, Alain ! Quel service, Alain, Gérard ? Non, quel Alain, service ? Alain, qu'est-ce qui se passe? Au revoir. Pourquoi? Je peux changer de... Ah, je dis pas... Il y a Alain Prout. Il y a Alain Prout sur 101.9. Je dis pas de marque. Alors, au revoir. Trop tard. Mouna. Quel service, Gérard? Non, mais dans le service, mais quel service? Non, mais dans les banques. Je précise pas, on n'a pas à citer de type de banque. D'accord. Le portable! Ça commence à m'énerver! Putain, portable, merde! Ça commence à bien faire! C'est un standard, là! Allô? Oh! C'est qui parle, là? Je sais pas, Gérard. Ça commence à bien faire, je crois que la réunion va... Gérard. Le débat, il va être clos dans rapide. Oh non. Allez, Gérard, continue. S'il te plaît. On a... Oui, ben j'écoute. Pardon. Il y a Fabien Bartaba qui a remplacé Alain Prout, qui galipette sur scène 102.8. Fabien. Oui, bonsoir Gérard. Fréquence. 102.8, on vient de vous le dire. Ouais, ben, on t'a posé la question, j'espère. Hélas, non, pas du tout. Alors, Gérard, le standard, là, hey. Gérard, tu poses ta question, puis on met un disque. Non, parce que, au standard, ça commence à être justement, on va faire le point à l'antenne, d'accord? Comment? Alors, Fabien, va te faire enculer, connard! Allez! Comme ça, celui-là restera poli avec moi. Gérard, on met un disque. Pourra-t-on encore échanger les points dans les... Bon, alors, écoutez, monsieur Gérard, maîtrisez un peu votre débat, parce que là... Je sens que ça va péter dans peu de temps. Le débat va être clos, mais très vite fait. Gérard, on met un disque. Ah, mais il rote seulement, il pète pas. Ouais, non, mais, toi, pour l'instant, t'es en train de te pavaner, c'est Karine qui pète tout. Tu prends personne au standard. Alors maintenant, le truc que tu vas me perdre, tu vas prendre du monde au standard et c'est tout. Attends, excuse-moi. Parce que sinon, tu vas te retrouver sur le palier. Ok. Gérard, on met un disque. Oh. Gérard. Après, je donne la question. On va faire le point. Je donne la question et c'est tout. Pour l'instant, c'est moi qui commande encore dans les débats. Commande alors. Alors, la question, pourra-t-on encore échanger les francs dans les banques ou autres services? Et on va s'écouter. Mais quel genre de service? Genre, faut pas préciser, c'est dans les banques. Okay. Voilà. Alors, on s'écoute, Jean Biffon, il n'y a que de la maille dans mon portefeuille doré. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, vous venez de vous écouter, Jean Biffon, il y a quelques... Jean Bifton. Jean Bifton, Il n'y a que de la maille dans mon portefeuille doré. Donc, on continue la suite et la fin du débat. Et donc, avant de récupérer tous les auditeurs, donc on a une ou deux questions internet apparemment qu'on vient de me dire à l'instant. Ouais, Gérard, tu es en train de faire quoi, un morpion là? Non, mais je suis en train de reprendre les fréquences des auditeurs correctement. Putain, c'est propre. Donc alors, Simon. Alors, question. Les questions. Il y a deux questions. Une question de F2B Mystère. Il te demande si tu as noté de l'inflation suite au passage à l'euro sur les produits de grande consommation comme la bière, le vin, le whisky, la vodka, le rhum, le pastis ou le gin. Oh là, c'est des questions. Cette question-là, j'y répondrai pas parce que j'ai pas les moyens d'y aller en ce moment. Donc, question. Mais même sans acheter, t'as pas regardé? Non, mais j'ai pas trop regardé. Ah bon? J'ai pas trop été me promener dans les grandes surfaces pour savoir les prix en euros. D'accord. Et donc, c'est quoi la question? Non, mais c'est bon, le standard, c'est pas. Non, parce que moi, j'y vais au supermarché, alors peut-être. Ouais, mettons, c'est non. Non, pas. Voilà. Donc la deuxième question. C'est Francis Gabon qui demande: dans la mesure où tu es plus pauvre en euros qu'en francs, tu vas débourser combien pour inviter Karine dans une cafétéria, justement au casino par exemple? Non, bah là c'est pas, ça sera pas de mal avec que je vais l'inviter dans un casino. Allez Gérard. Non, il y a pas de. Non. Mais si alors. Non. Bah de toute façon c'est pas toi qui commande, hein. Ouais, bah, toi tu commandes ici, mais en dehors c'est moi. Ouais ben c'est pas toi qui me prends. Si j'ai pas envie de te payer le resto, je te le payerai pas et c'est tout. Ah, sérieux, si j'ai envie de payer le resto à quelqu'un d'autre. C'est Gérard, tout. Vas-y. Non, il y a pas de Gérard, vas-y. Si j'ai envie de payer le resto, c'est à quelqu'un d'autre qui est en train de m'écouter, c'est tout. Voilà, alors pour elle, j'y fais des gros bisous. Donc alors c'est qui, la c'est question. Qui, c'est qui? Non, mais je dirais son nom. Allez, tout à vas-y. Allez, Gérard. Maintenant t'as commencé. Oh, c'est bon, on se calme. Donc, si elle pouvait... si elle écoute, bon, je te fais un petit coucou, Vulve. Il est tout rouge. Voilà, Vulve. Ça y est, c'est bon, terminé. Ah, elle s'appelle Vulve. Voilà, alors, pourra-t-on encore échanger les points dans les banques ou autres services? Karine, t'es priée d'éteindre ton standard avant que ça claque. Dans ta gueule. Avant que... Les portables, s'il vous plaît! Allô? Alors, on accueille pour ça Mouna. Mouna Ayoub, oui, rebonsoir. Maradoba. Toujours là. Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Et Monsieur Cocktail pour terminer. Mister Cocktail de Championnique sur Saône. 112-2. Oui, merci. Non, ça y est, c'est bon. Attends, Gérard, j'ai une autre question internet. C'est Yves Jean Daniel, qui demande combien vaut une vulve en euros? J'en sais rien. Voilà, alors, le standard où vous essayez de me choper, qui s'amuse avec un portable, parce que là, ça commence à faire mal. Allô? Allô? Bon, bah, quand le standard sera décidé, à savoir qui c'est. Allô? Gérard, il y a un problème, ça vient pas des auditeurs, hein. Ah, ça vient d'où? Ça, je sais pas. Alors, s'il y a un portable qui est dans... Je crois qu'il faudrait vérifier, hein. S'il y a un portable qui est ici, qui s'amuse... Bon, ça y est, ça suffit là-bas. C'est pas moi, regarde! Putain, mais vous me faites... Viens voir, c'est pas moi, regarde. Et putain, ça commence à bien faire. Il n'y a pas de portable ici, attends. Encore 9 minutes de débat et c'est tout. Donc ça va aller vite ce soir. Non, tu devrais continuer un peu, Gérard, parce que ça monte là, on est à 6000. Ouais, ben... connecté sur le net. Moi, je te dis que tu devrais continuer encore un petit bout de temps. Hein. Non, à 2h, je rends l'antenne et c'est tout. Donc, pourra-t-on encore échanger les prêts dans les banques ou autres services? C'est la dernière fois que je répète la question. Alors... Oui, Mister Cocktail. C'est pas moi, je le jure. Bah, tu réponds à la question, chevire. Exact. Alors, écoute, oui, Gérard, certaines banques non alcoolisées prévoient de reprendre des euros ou des francs, ça dépend. Pourra-t-on échanger les francs, espèce d'andouille? C'est dans ton cul, les francs, là. Alors, va te faire foutre, au revoir. Oh, Gérard. Mister Cocktail, au revoir. Comme ça, il sera poli. Bon alors, monsieur Mazur. Mais t'es pas poli aussi, Gérard. Hein. Eh bien, écoutez, je pense que en ce qui concerne les banques, nous avons jusque juin 2003, si ma mémoire ne me fait pas défaut, n'est-ce pas? Oui. Mais cependant, j'ai ouï dire, monsieur Gérard, qu'il était possible d'échanger certains francs dans certains débits de boissons, et je voulais votre confirmation. Non. Plus maintenant. Non, c'est terminé maintenant. C'est bon, la musique, là. Il n'y a pas de musique. Donc, Maradoba. Écoute, dans les banques, je sais pas, mais dans les autres services, ouais, je te confirme, il y aura tous les services départementaux, les préfectures, les commissariats, les casernes de CRS, tous ces trucs-là. Non, mais c'est bon. Moula. Tout à fait, la Banque de France reste à la disposition des gens qui restent des francs. Donc jusqu'à, je crois que c'est fin mars, on pourra échanger nos francs en Banque de France. Bon, ça y est, là. Quoi, je fais rien, attends. Bon, alors, je vais répondre à monsieur Mazur. Donc, vous étiez un peu loin sur la question, sur la réponse. Hein. Moi, je l'ai trouvé plutôt près. Ouais. Gérard, excuse-moi. Non. C'est pas mal. Gérard, il y a Frédéric Decu qui arrive. Oui, bonsoir, c'est Frédéric Decu du Paris Saint-Germain. Bonsoir, monsieur Decu. Bonsoir. Bonsoir, Frédéric. Fréquence. Monsieur Decu, vraiment, quelle maladresse. Ouais, fréquence. Que des problèmes techniques. C'est 136, la fréquence. Allô? Putain, mais c'est pas possible avec le portable qui arrête pas de sonner, là! Eh, ça suffit, là, maintenant, la merde! Attends, la merde, la ton boulot! Mais je fais rien, Gérard! Écoute, chier, je t'écoute! Oh, alors, je réponds! Putain, mais pourquoi tu le fâches, toi? Allô? La question! Frédéric, t'as entendu la question? Oui, tout à fait. Alors, le franc, c'est... il n'y a plus de francs, en fait. Hein. Tout se fait en euros, maintenant. Pourra-t-on encore échanger les francs? Oui, on pourra. Hein. On pourra échanger des francs, mais jusqu'à... Jusqu'au 14 février, maintenant, c'est fini. Alors, la réponse, c'est... Maradoba, au revoir. Trotteur, au revoir. Hop. Terminé. Alors, le standard, là. Maradoba, c'est terminé. Bah ouais, ben ça, tu fais ton boulot correctement, sinon on arrête le débat, ça va aller vite. Terminé pour les drogués. Hein? Alors, donc, je réponds. Là, on peut échanger encore les francs jusqu'au 30 juin 2002 dans les banques, bureaux de poste et succursales de la Banque de France. Donc, monsieur Mazur, 2003, c'était un peu loin. Hein. Ah bon? Mais êtes-vous sûr, monsieur Gérard? Parce que moi, j'ai bel et bien entendu 2003. Non, moi, j'ai encore lu la presse, encore hier. Écoutez, justement, j'ai devant moi, puisque vous parlez de la presse, j'ai devant moi les Échos, la Tribune. Il y a bel et bien, je vous le certifie, écrit 2003. Ah ben, moi, sur d'autres presses, c'est marqué le 30 juin 2002. Oui, alors ne serait-ce peut-être pas la presse de la semaine dernière que Non, c'est celui de ce week-end en plus. D'accord. Parce que je savais que je faisais le débat aujourd'hui. Oui. Donc, j'ai bien regardé, oui, c'est bien marqué Gérard, 2002. Cette question, vous ne vous êtes pas servi de cette presse pour, enfin, comment dirais-je, voyez-vous, c'est un peu indiscret et un peu intime, mais... Pour faire mes débats, non, pas du tout. Non, absolument pas, je pensais plus à lorsque vous êtes dans une position assise, n'est-ce pas, et que vous avez fini de, voyez. Bon, ben, monsieur Mazur. Oui. Eh ben, je suis obligé de vous dire au revoir, parce que là, vous poussez le bouchon un peu trop loin. Au revoir. Je protège. Au revoir, monsieur Mazur. Le Paris Boum Boum. Gérard, t'as monsieur Johnny qui est entré. 5109. Salut, Gérard, c'est monsieur Johnny. 109. Exact. Oh. Mais sinon, Gérard, t'as pas de nouvelles de cette vieille poufiasse de samedi? Mouna. Oui. Au revoir. Non, je l'interroge. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je veux plus qu'on en parle. Voilà, terminé. Tout à l'heure, j'en connais qui m'ont dégagé vite fait. Vas-y Gérard, vas-y, recentre-toi sur le débat. Bah alors, question Gérard, sur la net. Excuse-moi, Yannick Noé qui entre aussi. Fréquence ouais, c'est quoi ce bordel là-haut? Bonsoir. Allô Yannick. Bonsoir. Oui, bonsoir. 117. Putain. 117 combien? Tu dis pas putain, sinon tu dégages avant. 117.9, bonsoir GG. Il y a un problème au standard. Là. Alors justement, Gérard, à propos des fréquences, sur le net, il y a Scare qui me demande si on doit changer les fréquences de fun en euros. Bon, et ça, les fréquences des bandes FM, on va pas s'amuser à les changer en euros. Hein. C'est sûr, hein. Le mec, il débloque un peu, il est un peu con. Hein. Donc, sa question... Yannick ou Johnny ou Frédéric, on se calme. On te fait l'affiche, mais on a accueilli aussi John Franco de Boulogne. 89.8. Alors, ouais, Gérard, c'est Yannick, je le pète à la gueule. Ouais, attention, non. Yannick, au revoir. Bon, allez, terme et conclusion du débat. Terminé. Gérard, non. Terminé. On continue, Gérard. C'est moi qui reste encore 4 minutes. J'ai dit non. Gérard, il y a plein de gens qui appellent et qui attendent. Je veux pas le savoir. Les auditeurs font des conneries, donc c'est terminé, on arrête et c'est tout. Bah ouais, bah non, parce que c'est le bordel et c'est tout. On a des sérieux là qui arrivent. Non, mais attends, entre Frédéric, Johnny, Yannick et puis nous, Mouna, terminé, moi c'est clair. On n'est pas tout, on t'en remet d'autres, il y en a plein qui attendent là. On ouais, ben, vous faites votre... Ok, on fait vite. Ouais, ben, vite fait, parce que je vais pas m'éterniser sur attendre que les pistes elles soient faites. Ok. Normalement, les noms, dès que je vire, je dois avoir tout de suite... Elle est sûre, c'est Lolo Bebop. Et elle appelle de Lille 113.8. Voilà. Bon, ne jouiez pas. Bon, et toi, t'arrêtes au sol. Attends, je fais rien, t'arrêtes, Gérard. T'arrêtes avec tes conneries. Mais je fais rien, Gérard. Tu arrêtes avec tes conneries. Mais Gérard, je fais rien. Tu arrêtes avec tes conneries, c'est tout, je te préviens. Parce que t'es pas sûr de revenir dans les prochains mais attends, débats. J'ai rien fait, Gérard. Non, non, mais moi, je te préviens d'entrer. Oh, t'es méchant, attends. Question sur le net. Gérard, sur le net, on est 6473. J'ai une question encore de Francis Gabon qui te demande si on peut jouer à pile ou face, toujours avec une pièce en euros, et si oui, quel est le taux de conversion? Alors, de jouer à pile ou face, il paraît que c'est faisable, et il paraît que tu retombes toujours sur le truc de 2 centimes d'euros. Mais de savoir s'il y a besoin de faire une conversion, ça, il sait très bien. Pourquoi toujours sur la même face, à chaque fois? Je sais pas. Je sais pas, justement, c'est quelqu'un qui a essayé et qui est retombé à chaque fois sur la même. Et t'as essayé? Tu veux pas essayer, Gérard? Attends, on va essayer. T'as pas un euro ou un truc? T'as pas un euro, là? Non. Ah merde. Oh mince. Aïe. Bon, alors, la piche, là, elle est où? Donc, il y avait. Sinon. Sinon, c'est tout pour les questions, parce que là, pour l'instant, pas compris. Donc, on est à combien? Mais ça monte bien, hein, 6470. Encore 5 minutes, Gérard. 6474. 6475, même. Ouais, non, mais on fera la fin. Au moment de la conclusion. Bah dans 5 minutes. Non, dans 2 minutes. Non, on m'a dit 5 minutes là. Ah non, moi, c'est dans 2 minutes. Ah, tu arrêtes dans 2 minutes là. Dans 2 minutes, on arrête. D'accord, bon. Donc, il reste encore 1, 2, 3, 4, 5 questions, donc ça m'étonnerait qu'on aille jusqu'au bout. Hein. Bon, alors, quand au standard, ils seront pressés de me donner l'affiche, ça ira. Hein. Alors, il faudra peut-être activer un petit peu plus au standard. Les filles. Oh, je voudrais qu'on active un petit peu. Non, mais t'allumes ton micro quand tu parles, ça sera mieux. Je crois pas que c'est facile, Gérard, de travailler avec quelqu'un comme toi. Ouais, ben, si ça te plaît pas, ben... Là, non, j'ai pas dit que ça me plaisait pas, mais non, mais difficile. Le prochain coup, si ça te plaît pas de travailler comme non, ça... Non, ça me plaît, mais c'est dur. Ah ben, de toute manière, faudra t'y faire. Hein. T'appelles d'où? Ah. Faudra t'y faire. Hein. Bon, Gérard, on fait la conclusion, parce que là, il est l'heure. Ben, attends, on va faire la sixième question, et puis c'est tout, hein. D'accord. Parce que moi je veux pas. Bon, on va faire la sixième question. Ça y est, la fiche. Ça va, Jean-Hubert? On peut attendre encore un peu? Ok. Ah, c'est Jean-Hubert après. On peut avoir la fiche pour la cinquième fois consécutive. Est-ce que je peux avoir la fiche? Elle arrive. Ouais, mais elle doit être faite depuis longtemps. Mais t'arrêtes pas de changer. Et alors, c'est compliqué. Voilà. Ouais, ben si ça vous plaît pas, c'est le même prix. Là, voilà la fiche. Gérard, il y a le directeur technique qui a appelé tout à l'heure. Hey, Frédéric de Cul, je crois que je lui ai dit au revoir. Hein. Non, il m'a dit que tu lui avais pas dit au revoir. Ah si. Gérard. Si. Gérard, j'ai le directeur technique qui a appelé. Si. Il m'a dit de pas gueuler autant parce que là, le traitement, il en prend un coup dans les bretelles. Ouais, ben, Frédéric de Cul, on y a dit au revoir, donc c'est pas la peine de. Tu veux toujours pas le reprendre? Non. Il a été dit au revoir pour insulte. Allez hop, terminé. Comme ça va aller vite. Alors, Lilo Pipop. Lolo Bibop, oui, bonsoir tout le monde. 103.8, la fréquence Lille. Yes. Edgar Corpio. Non, Edgar Gros Pilon. 116.9. 116.9 à la queue en brioche. Bonsoir tout le monde. Ouais, mais c'est pas la peine de préciser. Je dis 116.9, c'est tout. C'est la queue en brioche. Et Gian Franco, 89.8. Et buonasera, come va? Come stai? Oh, c'est bon, ça y est. Monsieur Gérard, signore, j'appelle de Bologne, les Coupes de Bologne. J'appelle de Bologne. Si. Ouais, ben ça y est, j'ai compris. Depuis quelle année le franc a-t-il vu le jour? Et ça sera la dernière question, on va poser la question à Lolo Guapo. Depuis quelle année le franc a vu le jour? Je sais pas, 1873? Non. Non, mais... Non, mais il n'y a pas de plus ou moins, donc c'est pour ça. Edgar Cropio. Cropilo. Alors c'est 492, c'est pendant le directoire, hein. Faut le savoir quand même. Création quoi du franc, 492 pendant le directoire. Depuis quelle année le franc a-t-il vu 492, non. Il a vu le jour en 492, Gérard, pour répondre à ta question. À Madame Eugénie. Madame Eugénie, bonsoir. Allô, bonsoir. C'est pas Madame Eugénie. Eh, Eugénie, si, ecco. Vous ferez bien des crêpes ou du pain perdu. Eh ben, y a pas de problème, je vais vous faire ça, mes petits jeunes. Avant tout, je voulais dire que je me faisais bien arnaquer par tous les petits jeunes. Ouais. Qui me demandent encore, des euros. Encore un travaux sur. Non, pas du tout. Encore un travaux pendant les débats, et ça m'étonne pas, ça vient du standard. Mais non, c'est Madame Eugénie. Gian Franco. Eugénie, tu la fermes pour l'instant, c'est moi qui commande encore ici. Okay. Gian 360. Gian Franco. Et moi, j'ai dit 1341. Oh, pas tous en même temps. Ça suffit! Ça suffit. S'il vous plaît, venez ici. Merci. Oh là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là. Girardo. Non, alors Lolo, c'est toi qui viens de dire ça? 1360. Non, non, mais tu viens de dire en culo. C'est en italien. Bon, alors, Gianfranco, au revoir. Ah, mais non. Terminé. Bonne nuit. De manière, c'est plus la peine de reprendre du monde, c'est terminé. Madame Eugénie, là. Madame Eugénie, deux fois, Madame Eugénie, trois fois. Au revoir. Au revoir. Gérard, j'ai une question Internet. C'est une question en fait à la fois de juge de Lyon et de seigneur qui demande ce que deviennent les francs-maçons. Est-ce qu'ils deviennent des heureux maçons ou des heureux maçons? Des heureux maçons. Heureux ou heureux? Heureux maçons. D'accord. Et donc alors, je vais vous préciser. Oh, standard. Madame Eugénie, on y a dit au revoir. On a dit au revoir à Madame Eugénie et on finit. Et c'est terminé, je vais quand même donner la date pour Lolo Pop. Ouais, ben, faudrait peut-être me les remettre à Lolo Bebop. Et Edgar Gros Pilon. Ouais. Donc, alors, la date, c'est depuis 1360. Je l'avais dit. Non, tu m'as dit 1360. Non, non, tu m'as dit une autre date. Non, c'est ce qu'on t'a dit. Et il a disparu à l'âge de 641 ans. Ça fait exactement 641 ans que le franc existe. C'est vrai. Oh là, c'est vrai, ça. En euros, c'est combien? Ah ben ça, je sais pas. Hein. Bah, tu multiplies par 6,5 à peu près. Ouais, ben, tu le fais, puis tu me diras. D'accord. Alors. Gérard, excuse-moi, il y a encore un dernier. Non, j'ai dit non. Mais j'ai dit non. J'ai dit que ça n'avait plus d'auditeurs. C'est tout. Le débat, vous l'avez foiré au standard comme d'habitude, donc ça ne changera pas. Alors, sur le net, pour savoir s'il y avait des questions pour terminer sur depuis quelle année le franc existe. Non, j'ai préparé les conclusions qui sont là déjà. Donc, alors, les conclusions. Mais on finit d'abord avec... Lolo Pipop. Lolo Bebop. Conclusion. Conclusion, et bien écoute, Gérard, j'ai trouvé que c'était un débat très instructif. Et je pense que c'est encore à travailler avec l'équipe, faut que tu gueules, faut que tu trouves tes marques, les autres aussi. Ouais. Et sinon, je voulais savoir si Sambi était toujours avec l'autre drogué. Au revoir. Non, Henri. Au revoir. Le standard. C'était pas très cool, quoi. Donc moi, j'avais une petite bite. Edgar Gros Pilon, pour finir. Bah, écoute, moi, j'ai trouvé que le débat était bien. Les auditeurs ont été merveilleux. C'est pas autre chose. Par contre, toi, t'as été nul à chier, hein, franchement. Eh ben, si t'as le prochain coup... Attends, mais t'as pas tenu ton équipe, c'était cool. Mais le prochain coup, tu fais une chose, tu vas écouter une autre radio et tu t'amuses pas à appeler Fun Radio. Moi, Gérard, je voudrais conclure. C'est qui? C'est Cricri d'humour. Il n'y a pas de cri-cri d'humour. Bon, de manière au standard, vous avez poire et tout, hein, ça changera pas. Oh là là, les filles. Non, il n'y a plus de questions, c'est terminé. Au revoir. Allô, Blaireau. Allô. Bonjour à trop du cul, je ne reconnais pas. Juste cousine. Hey yo. Hey, c'est pas 3 heures qu'on reste au standard avec, oui. Avec les auditeurs. Allô. C'est terminé, conclusion sur le net. Oh là, ça va être gueulé, je crois, il va y avoir réunion. Alors sur le net, j'ai pas mal de conclusions. La première, c'est Epsilon qui dit « Gérard est un spécialiste du sujet de l'euro. Espérons pour les personnes du studio que le prochain débat ne portera pas sur l'EP. » Bah pourquoi pas. Ah non, Gérard, c'est... C'est pas la peine là-bas, non, d'accord. Non, c'est l'auditeur, l'auditeur. Non, mais il n'y a plus personne à l'antenne, donc c'est si, bon. Tiens, écoute. Allô. Non, mais lui, on sait pas d'où qu'il te sort, alors. Conclusion de Francis Gabon, il te demande si t'as des remarques ou des questions. Non. D'accord. Les questions, c'est moi qui dira comment que ça s'est passé. Une conclusion très pertinente de Sona Cotra qui te dit que c'est un débat à 3 francs ou plutôt à 0,46 euros. Voilà. Et la dernière, c'est Fesse de Babouin qui dit ton débat, j'en donne 1 centime d'euro et encore, c'est bien parce que j'ai pas moins. Non, bah tant mieux, lui, il peut garder ses 1 centime d'euro, j'en ai pas besoin. Par contre, il y avait quand même un truc que j'ai oublié de préciser. Donc, on pourra toujours encore échanger. Jusqu'au 17 février 2005, les pièces et les billets, donc l'opération restera néanmoins toujours possible pour les billets jusqu'au 17 février 2012. Et ça, c'est pas des trucs que j'ai inventés, c'est des trucs qui ont été dits dans la presse. Ah ouais? Et j'ai gardé l'article et je pourrais le ramener pour... Ah bah ouais, ça j'aimerais bien le voir. Ah bah oui, ça m'intéresse. Hein. C'est bien précisé dessus. Donc voilà, donc pour moi, conclusion du débat, le standard, bah comme toujours... Ça a été dur. Voilà, peut-être que vous vous y mettez. Qu'est-ce que t'as dit? Oui, ça a été dur au standard. Vous avez pas... Pour nous, c'était pas dur. Ouais, non, mais. Il y a un temps où on est gentil. Ça fait le deuxième débat que tu fais avec moi. Donc, si t'es pas contente le prochain coup, on prendra quelqu'un d'autre, tu rentreras chez toi. Mais non, Gérard, tu cries trop. Mais ça, le problème, quand je dis quelque chose, c'est moi. Quand c'est moi. Qui dit quelque chose, c'est moi qui commande. Vas-y, dis-le aussi. Parce que quand vous avez, quand on vous demande de virer quelqu'un, c'est pas la peine de rester avec un micro allumé pour que tous les auditeurs entendent ce que vous êtes en train de vous raconter. Ah, c'est... Attends, donc c'est bon. Ouais, mais l'erreur est humaine, Gérard. Ouais, alors mais... si vous vous racontez votre petit week-end, bah dans ces cas-là, vous le raconterez. Mais une fois que le micro est éteint, vous pouvez vous raconter entre vous. Mais pas en direct. Non, pour ça, on c'est tout. C'est tout. Bah ouais, mais elle est la seule erreur. Et puis en plus, quand je vous dis de virer des auditeurs, vous les reprenez sous d'autres noms, vous n'avez pas été capable de me faire quelque chose de correct encore. Alors ça commence à bien faire. T'as raison. Il n'y a que sur le net qu'on a bien travaillé. Il n'y a que sur le net que ça a été bien. Et c'est bizarre, c'est toujours sur le net. Et on a terminé à combien? En toi, toi, tu peux te chercher. T'as foutu un peu ta merde. J'ai rien fait, Gérard. C'était un essai, mais c'est bon. Mettre des sons et tout. T'as vu à combien on finit, Gérard? Alors, comme par hasard. On termine quand même à 2h10 du matin avec 6559 personnes. Bravo, Gérard. Bravo. Ça, les filles, vous pouvez pas applaudir. Non, elles ont peur de se salir les mains. C'est vrai. Mais quand on leur demande d'appeler des gens, il n'y a plus personne. À part raconter leur petit week-end, c'est tout ce qu'elles savent faire. Or, c'est bon comme ça maintenant. On est que des filles. Hein. Ouais, non, mais c'est bon. Et quand vous demandez. Que de samedi, pas de dimanche. Ouais, non, mais on s'en fout. Quand vous dites qu'il y a des portables qui sonnent et tout ça, quand je vous demande. Les portables, il y en a qui sonnaient. Demande-toi bien d'où ça vient. Ça venait d'où? Des auditeurs. Non, non. Bah, à peine, tiens. Ah, tiens, bien sûr. Tu vas pas m'apprendre à faire. Tu vas pas en prendre un singe à faire la grimace. Ouais. Hein. Surtout à Gérard, hein. Parce que moi, je sais d'où ça vient. Je les portables, c'était des auditeurs. Non. Ouais, tu connais les auditeurs, c'est ça. Moi, je les connais bien avant toi. Ça fait plus longtemps que je fais des débats. Hein. Alors, tu pourras demander à Pildar, Manu et tout ça. Ils pourront me dire comment que je travaille. Hein. Gérard, tu cartonnes. Donc, alors, pour terminer donc le disque, c'est Sylvie Leroux. Mets-moi, hein. Sylvie Leroux, mets-moi une petite pièce dans la fonte et on se retrouve je ne sais pas quand. Et voilà, donc bonne nuit à tous et là vous allez retrouver pour la nuit, c'est Jean-Hubert. Jean-Hubert. Donc voilà, et puis ben sur ce, ben bonne soirée, bonne bourre à tous.